الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le chapitre dans Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Saleh al-Fawzan حفظه الله تعالى qui s'intitule باب في موانع الحضانة. Et c'est le cours numéro 29 aujourd'hui à partir du cours qu'on a fait sur le mariage. Donc, le cours sur Al-Hadana, le chapitre sur Al-Hadana, il est relié au sujet du mariage et du divorce, puisque ça a rapport avec la garde des enfants. Et donc, il y a un lien quand même, même si ce n'est pas directement relié de façon directe, mais il y a un lien, il y a un certain lien. Et le cheikh, il explique et il dit donc au dernier cours, parce qu'on a expliqué Al-Hadana, la garde, à qui va la garde des enfants, on a expliqué hein, qu'en principe ça va à la mère, sauf si la mère elle se remarie, et on a mentionné certains cas. Maintenant on va mentionner des empêchements à la garde des enfants. Quand est-ce que quelqu'un ne peut pas avoir la garde de l'enfant, puis des différentes circonstances et des différentes situations par rapport à ça. Donc le cheikh, il dit من موانع الحضانة الرق فلا حضانة لمن فيه رق ولو قل لأن الحضانة ولاية والرقيق ليس من أهل الولاية ولأنه مشغول بخدمة سيده ومنافعه مملوكة لسيده. Donc il dit parmi les choses qui empêchent la garde, hein, la garde d'un enfant, c'est الرق. الرق, c'est-à-dire l'esclavage. Donc, une personne qui est esclave ne peut pas avoir la garde d'un enfant, même si, hein, c'est-à-dire la garde d'un enfant qui n'est pas le sien, hein, même si, même si par exemple, il serait un parent de cet enfant-là, bon, il ne peut pas prendre sa garde s'il est esclave. Parce que la garde, c'est une forme de responsabilité. Et l'esclave ne fait pas partie des gens de la responsabilité puisqu'il est occupé par le fait de servir son maître. Et donc, toutes les choses, tout ce qu'il peut faire de bien et toutes les choses qu'il fait de bien, eh bien, ça appartient à son maître. Donc, il ne peut pas avoir la garde d'un enfant. Wala hadanata li fasiq. لأنه لا يوثق به فيها وفي بقاء المحضون عنده ضرر عليه لأنه يسيء تربيته وينشئه على طريقته. La deuxième catégorie de personnes qui ne peuvent pas avoir la garde d'un enfant, c'est le fasiq, c'est-à-dire un musulman qui est pécheur, qui est pervers, hein. Donc, comme par exemple quelqu'un qui boit de l'alcool, ou qui ne fait pas la salate, vit dans le péché, hein, il ne peut pas avoir la garde de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir confiance en lui dans l'éducation et dans la garde de cet enfant-là. Il ne peut pas avoir la garde de l'enfant parce qu'on ne peut pas lui faire confiance puisque ce n'est pas quelqu'un qui est pieux ou qui préserve les droits d'Allah. Et donc, le fait que l'enfant reste avec cette personne, c'est un tort pour lui. Ça va lui ramener un tort. Et aussi, il va éduquer cet enfant-là d'une mauvaise façon, puisqu'il va l'élever dans le péché. Hein? Et il va l'éduquer hein, sur sa voie, c'est-à-dire sur la voie du péché. Donc ça, ce n'est pas permis de lui laisser la garde de cet enfant-là. Aussi, il dit « Wala hadanata li kafirin ala muslim » لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق لأن ضرره أكثر فإنه يفتن المحضون في دينه ويخرجه من الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه. Aussi par rapport à la garde de l'enfant, si par exemple un des deux parents, on va dire, il est kafir, eh bien c'est certain que la garde va aller aux parents musulmans. Parce que le kafir ne peut pas avoir la garde d'un enfant sur un musulman. Pourquoi? Parce que si on dit que le pécheur n'a pas le droit d'avoir la garde de l'enfant, eh bien le kafir l'a encore moins. Pourquoi? Parce que son tort, le tort qu'il va faire à l'enfant est plus grand que le tort du pécheur. Pourquoi? Parce qu'il va lui donner une épreuve, il va le tenter dans sa religion, il va l'éprouver dans sa religion et va le faire sortir de l'islam et va lui enseigner le kufr et va l'éduquer sur le kufr. Donc si par exemple un des deux parents est juif ou chrétien, par exemple la mère elle est juive ou chrétienne, dans ce cas-là c'est clair que dans ce cas-là c'est le père qui va avoir la garde, hein? C'est pas la mère, parce que la mère elle est kafira, hein? Et le contraire aussi c'est la même chose. Dans le cas où, par exemple, une femme, son mari quitte l'islam ou bien il devient kafir, eh bien, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est la mère qui aura la garde de toute façon. Parce qu'elle est musulmane et l'autre, il est kafir. Il dit aussi, « وَلَا حَضَانَةَ لِمُزَوِّجَةٍ بِأَجْنَبِيٍ مِنْ مَحْضُونَ لِقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِوَالِدَةِ الطِّفْلِ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي وَلِأَنَّ الزَّوْجِ يملك منافعها منافعها ويستحق منعها من الحضانة والمراد بالأجنبي هنا من ليس من عصابات المحضون فلو تزوجت بقريب محضونها فلم تسقط حضانتها. Donc il dit le cheikh que si par exemple une femme se marie avec un étranger de l'enfant qu'elle garde, alors dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné la garde de l'enfant au père. Parce que la femme, elle peut garder l'enfant jusqu'à ce qu'elle se remarie. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit dans le hadith, tu as le plus le droit de la garde de cet enfant tant que tu ne te remaries pas. Et donc, le cheikh, il dit parce que en même temps, c'est donc le mari, dans ce cas-là, qui va avoir le bien de cet enfant-là et qui mérite donc de l'empêcher d'empêcher cette femme d'avoir la garde de cet enfant parce qu'elle s'est remariée avec un étranger. Et qu'est-ce qu'on veut dire par un étranger? C'est-à-dire ceux qui ne font pas partie des proches de cet enfant-là. Toutefois, si elle se remarie avec un proche, comme par exemple quelqu'un qui est proche de l'enfant dans ses liens de parenté, dans ce cas-là, son droit à la garde ne va pas tomber. Son droit, par exemple, si elle marie le frère de son mari, ou bien sinon elle marie, je ne sais pas, quelqu'un qui est un proche, eh bien dans ce cas-là, elle aura toujours le droit de garde de l'enfant. Sauf si elle marie un étranger, dans ce cas-là, elle ne pourra pas garder l'enfant. C'est le père qui va avoir la garde. Ouais. Et il dit, فَإِنْ زَالَ أَحَدُ هَذِهِ الْمَوَانِعِ بِأَنْ عُتِقَ الرَّقِيقِ وَتَابَ الْفَاسِقِ وَأَسْلَمَ الْكَافِرِ وَطُلِّقَتْ الْمُزَوِّجَةِ يعني رجع من زال عنه المانع من هؤلاء إلى حقه في الحضانة لوجود سببها مع انتفاء المانع منها. Donc il dit le cheikh que si par exemple une de ces catégories qu'on a mentionné, on a mentionné par exemple les différents empêchements comme le fait que quelqu'un soit un esclave ou qu'il soit un pervers, un pécheur ou bien qu'il soit un kafir ou bien une femme qui s'est remarié, si par exemple l'esclave se libère, il est devenu libre, il a reçu sa liberté, ou bien le pécheur, il s'est repenti, ou le kafir, il s'est converti à l'islam, ou bien la femme divorcée, la femme qui était remariée, elle s'est divorcée, donc elle est redevenue, divorcée, donc elle est toute seule. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, ce qui l'empêchait d'avoir la garde de l'enfant maintenant que c'est éliminé ou que c'est enlevé, eh bien, elle peut maintenant cette personne-là peut maintenant reprendre la garde de l'enfant. D'accord? Parce que l'empêchement a été éliminé. Il dit ensuite, le cheikh, وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُ أَبَوَيِّ الْمَحْضُونَ سَفَرًا طَوِيلًا لَمْ يَقْصُدْ بِهِ الْمَضَارَّةِ إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان. فالحضانة تكون للأب سواء كان هو المسافر أو المقيم، لأنه هو الذي يقوم بتأديب ولده والمحافظة عليه، فإذا كان بعيدا عنه لم يتمكن من ذلك وضاع الولد. Donc le cheikh il donne d'autres cas maintenant, des cas où par exemple il dit si un des deux parents qui ont la garde décide de faire un long voyage, ok, et que il n'a pas l'intention de faire ce voyage-là dans le but de faire du tort à l'autre parent, hein, et il part vers un pays qui est loin dans le but d'y habiter, et le chemin pour y arriver est sécuritaire. Alors il dit dans ce cas-là, la garde va être au père, peu importe que ce soit lui qui voyage ou que ce soit lui qui reste. Parce que c'est lui qui éduque l'enfant et qui le corrige et qui le préserve. Et s'il est loin de l'enfant, il ne sera pas capable de faire cela, donc l'enfant va se perdre, hein, à cause de ça. Il dit « وَإِنْ كَانَ السَّفَرُ إِلَى بَلَدٍ قَرِيبٍ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لِغَرَضِ السُّكْنَ فِيهِ فَالْحَضَانَةُ لِلْأُمِّ سَوَاءَ كَانَتْ هِيَ الْمُسَافِرَةَ أَوْ الْمُقِيمَةَ لِأَنَّهَا أَتَمُّ شَفَقَةً عَلَى الْمَحْضُونِ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ لِأَبِيهِ الْإِشْرَافِ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ » Il dit si le voyage de la personne est un voyage qui est vers un endroit qui est proche, hein, une ville qui est voisine, et que c'est moins grand la distance que le voyage qui permet de raccourcir la prière, et que la personne s'en va là-bas dans le but de d'y habiter. Supposons par exemple quelqu'un il habite par exemple, j'ai un exemple, quelqu'un il habite à Montréal et un des deux parents il veut aller habiter à Laval par exemple, ou à Longueuil, hein, ou à Brossard. C'est pas une distance qui permet de raccourcir la prière. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh à ce sujet-là? Il dit, dans ce cas-là, l'enfant va aller avec la mère. Peu importe que ce soit elle qui voyage ou que ce soit elle qui reste. Parce que c'est elle qui a le plus d'affection pour l'enfant qui est à sa charge. Et parce que son père, dans cette occasion-là, il aura toujours la possibilité de le voir de toute façon et de venir le visiter. De superviser quand même la situation. Il dit وَأَمَّا إِذَا كَانَ السَّفَرُ لِحَاجَةٍ ثُمَّ يَرْجِعْ أَوْ كَانَ الطَّرِيقُ أَوْ الْبَلَدُ الْمُسَافَرُ إِلَيْهِ مَخُوفِينَ أَوْ مُخَوَّفِينَ فَإِنَّ الْحَضَانَةَ تَكُونُ لِلْمُقِيمِ مِنْهُمَا لِأَنَّ فِي السَّفَرِ بِالْمَحْضُونِ إِضْرَارًا بِهِ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ. Donc, il dit, par exemple, que si le voyage, c'était pour un besoin quelconque et que la personne allait revenir par la suite, ou que sur le chemin, hein, ou bien dans le pays, dans la personne vers laquelle elle va, il y a des choses qui sont hein, des dangers ou des choses qui font peur, des choses comme ça. Alors, dans ce cas-là, la garde va être à celui des parents qui restent. Parce que dans le fait de voyager avec l'enfant, il y aura un tort dans ce cas-là, hein, à cause du danger. Ou parce que c'est un voyage duquel la personne va revenir et que ça va juste peut-être juste faire du tort à l'enfant, le fatiguer ou des choses comme ça. Et il dit wa qala al-imam ibn al-qayyim law arada al-idrar wal-ihtiyal ala isqat hadanat al-um fa safara li yattabi'ahu al-walad fa hadhihi hila munaqidah lima qasadahu al-shari'. فإنه جعل الأم أحق بالولد من الأب مع قرب الدار وإمكان اللقاء كل وقت. Il dit l'imam Ibn al-Qayyim dans I'lam al-Muwaqqi'in que si le parent qui voyage avec l'enfant, en particulier ici le père, il fait ça dans le but de ruser pour faire tomber le droit de la mère d'avoir la garde de cet enfant-là et qu'il voyage, hein, juste parce qu'il veut que l'enfant le suive. Alors ça, c'est une ruse qui est en contradiction avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Hein? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que la mère soit celle qui a le plus de droit de garder cet enfant-là par rapport au père. à cause de... ça, c'est lorsqu'il y a la proximité de la demeure et qu'il y a la possibilité de rencontrer l'enfant ou de le visiter à n'importe quel moment. Ensuite, il dit, « Ila an qal wa akhbara ya'ni an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam anna man farraqa bayna al-walidati wa waladiha farraqa Allahu baynahu wa bayna ahabbatihi yawm al-qiyama wa man'a an tuba' al-um duna waladiha والولد دونها وإن كان في بلد واحد فكيف يجوز مع هذا التحيل على التفريق بينهما وبين ولدها تفريقا تعجز معه رؤيته ولقائه ويعجز عليها الصبر عنه وفقده وهذا من أمحل المحال بل قضى الله ورسوله أحق لأن الولد للأم سافر الأب أم أقام. Donc on va traduire jusqu'ici. Le cheikh, il explique par la suite, l'imam Ibn al-Qayyim dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que celui qui sépare entre une mère et son enfant, Allah va séparer entre lui et ceux qu'il aime au jour de la résurrection. Et donc il a même interdit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de vendre une femme esclave, de séparer une esclave mère de son enfant, c'est-à-dire de vendre la mère sans vendre l'enfant, par exemple, avec, ou bien de vendre l'enfant et de le séparer de sa mère. Il a dit, c'est interdit, même s'ils sont dans le même pays. Alors, que dire de celui qui utilise ce genre de ruse dans le but de séparer entre une mère et son enfant, d'une séparation qui va l'empêcher par la suite de le voir et de le rencontrer, cet enfant-là. Et elle est incapable de supporter et de subir cette perte-là. Donc ça, c'est parmi les choses les plus impossibles à supporter. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont donné le décret de vérité à ce sujet-là, que la mère, l'enfant, il appartient donc à sa mère à ce moment-là. Et donc, peu importe que le père voyage ou qu'il reste, eh bien, il doit rester avec sa mère. Il dit parce que وَالنَّبِي صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ قَالْ أَنْتِ أَحَقْ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِ فَكَيْفَ يُقَالَ أَنْتِ أَحَقْ بِهِ مَا لَمْ يُسَافِرَ الْأَبْ وَأَيْنَ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ أَوْ فَتَاوَى أَصْحَابِهِ أَوْ الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ فَلَا نَصَّ وَلَا قِيَاسَ وَلَا مَصْلَحَ انْتَهَى. Donc il dit, donc maintenant qu'on comprend ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu as le plus le droit de garder cet enfant-là tant que tu ne te remaries pas. Alors comment on peut dire dans ce cas-là que le père a plus le droit de prendre l'enfant que sa mère s'il voyage, où est-ce qu'on trouve cela, dans le livre d'Allah ou dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, ou dans les fatwas de ses compagnons, ou dans l'analogie qui est correcte et valide? Il dit, il n'y a ni texte du Coran et de la sunna, ni analogie et ni bienfait dans ça. C'est-à-dire, il réfute ici l'imam Ibn al-Qayyim la parole de ceux parmi les fuqaha qui disent que si le père il voyage, eh bien c'est lui qui doit prendre l'enfant. Et il remet ça en question, il refute ça. Ensuite, le cheikh il dit, وَأَمَّا تَخْيِيرُ الْغُلَامِ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَيَحْصُلُ عِنْدَ بُلُوغِهِ السَّابِعَةُ مِنْ عُمُرِهِ فَإِذَا بَلَغَ سِنَّ سَبْعَ سِنِينَ وَهُوَ عَاقِلٌ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَيَكُونُ عِنْدَ مَنْ اخْتَارَ مِنْهُمَا وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرٌ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي يريد أن يذهب بابني فقال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به فدل الحديث على أن الغلام إذا استغنى بنفسه يخير بين أبويه فإنه إذا بلغ أحدا يستطيع معه أن يعبر أو يعرب عن نفسه فمال إلى أحد الأبوين دل على أنه أرفق به وأشفق عليه فقدم لذلك. Donc, il dit le cheikh que, en ce qui concerne le choix, le fait que l'enfant choisisse avec lequel de ses deux parents ils veulent rester, et ça, c'est la réponse à la question que le frère, l'ami de Zouhair avait posée la semaine passée. Il dit, en ce qui concerne le fait de donner le choix à l'enfant entre ses deux parents, il dit ça, c'est lorsque l'enfant a atteint 7 ans. Yarhamoukallah. Lorsque l'enfant a atteint l'âge de 7 ans et qu'il est raisonnable, et c'est un enfant raisonnable, alors dans ce cas-là, on lui donne le choix de choisir avec lequel de ses deux parents il veut aller. Et donc, il va rester avec celui des deux qu'il a choisi. Et c'est ce que Omar et Ali radiallahu anhuma ont jugé par rapport à cette question-là. Et l'imam At-Tirmidhi, il a rapporté un hadith selon Abi Huraira radiallahu anhu, dans lequel il dit, une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle a dit, mon mari veut partir avec mon fils. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô garçon, voici ton père et voici ta mère. Prends la main duquel des deux tu veux. Prends la main de celui des deux que tu choisis ou que tu veux. Hein? Oui, à partir de 7 ans. Et il a pris la main de sa mère. Et elle est partie donc avec lui. Et ça, c'est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Et elle est partie donc avec son enfant. Alors, ce hadith-là, c'est la preuve que l'enfant, le garçon en particulier, une fois qu'il est capable de choisir par lui-même, hein, eh bien, il peut choisir avec lequel des deux parents il veut rester. Parce que il est capable de s'exprimer et de dire ce qu'il a en lui-même. Et donc, s'il penche vers un de ses deux parents, alors ça, c'est la preuve que ce parent-là, il est plus affectueux envers lui et il a plus d'affection pour lui. Et donc, par conséquent, on lui donne la précédence. Mais quand est-ce que l'enfant peut avoir ce choix-là? Le cheikh, il dit, « La yukhayaru illa bishartain. » Il faut qu'il y ait deux conditions présentes pour que l'enfant puisse avoir ce choix. « Ahaduhuma an yakuna al-abawan min ahli al-hadana. » Premièrement, il faut que les deux parents fassent partie de ceux qui ont le droit d'avoir la garde. Donc, ça veut dire que s'ils font partie des quatre exemples qu'on a mentionnés au début, soit que le parent, il est fasiq, ou il est kafir, ou la mère qui s'est remariée, hein, ou bien on a dit esclave, alors dans ce cas-là, il ne peut pas avoir la garde. Donc, on ne peut pas lui donner le choix. Il va aller avec celui qui n'a pas ces empêchements-là. Et dans la deuxième condition, « An yakuna al-ghulam aqilan » Il faut que l'enfant soit intelligent, raisonnable. Hein? Et il dit « فَإِنْ كَانَ مَعْتُوهًا بَقِيَ عِنْدَ الْأُمْ لِأَنَّهَا أَشْفَقُ عَلَيْهِ وَأَقْوَمُ بِمَصَالِحِهِ » Donc, si l'enfant il est déficient intellectuel ou qu'il a un handicap, alors dans ce cas-là, il va rester avec sa mère parce que c'est elle qui a le plus d'affection pour lui et qui va plus savoir comment s'occuper de lui et voir à son bien. وَإِذَا اخْتَارَ الْغُلَامُ الْعَاقِلَ أَبَاهُ صَارَ عِنْدَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا لِيَحْفَظَهُ وَيُعَلِّمَهُ وَيُؤَدِّبَهُ لَكِنْ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ زِيَارَةِ أُمِّهِ لِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْ ذَلِكَ تَنْشِئَةٌ لَهُ عَلَى الْعُقُوقِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَإِنْ اخْتَارَ أُمَّهُ صَارَ عِنْدَهَا لَيْلًا وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه وإن لم يختر واحدا منهما أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر إلا بالقرعة. Donc ici ensuite il dit le cheikh que si par exemple l'enfant il est raisonnable et qu'il a choisi son père, il va rester chez son père le jour et la nuit. Et parce que c'est son père qui va le préserver, qui va l'éduquer et qui va lui apprendre. Et cela mais par contre, cela n'empêche pas à l'enfant de visiter sa mère. Hein? Parce que de l'empêcher de visiter sa mère, ça risque de l'élever à couper les liens de parenté et d'avoir un mauvais comportement envers sa mère. Donc, s'il a choisi par contre sa mère au lieu de son père, Alors il va rester avec sa mère la nuit et avec son père le jour, pour que son père lui apprenne, lui enseigne et lui donne une éducation. Et s'il ne choisit aucun des deux, quand on donne le choix à l'enfant, il dit non, je veux ni aller avec mon père, ni avec ma mère, ou bien il ne veut pas donner une décision, on va le faire tirer au sort. On va le faire tirer au sort parce qu'il ne voit pas de préférence à l'un sur l'autre. Donc, on va trancher entre les deux par un tirage au sort. Et il dit, « وَالْأُنْثَى إِذَا بَلَغَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَ أَبِيهَا إِلَىٰ أَنْ يَسْتَلِمَهَا زَوْجُهَا لِأَنَّهُ أَحْفَظُ لَهَا وَأَحَقُّ بِوِلَايَتِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَلَا تَمْنَعْ الْأُمْ مِنْ زِيَارَتِهَا مَعَ عَدَمِ الْمَحْذُورِ وَلَا تَمْنَعْ الْأُمْ مِنْ زِيَارَتِهَا فَإِنْ كَانَ الْأَبْ عَاجِزًا عَنْ حِفْظِ الْبِنْتِ أَوْ لَا يُبَالِي بِهَا لِشُغُلِهِ أَوْ قِلَّةِ دِينِهِ وَالْأُمُّ تَصْلُحُ لِحِفْظِهَا فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَ أُمِّهَا. Donc il dit le cheikh que si c'est une fille et qu'elle a atteint 7 ans, l'âge de 7 ans, alors elle va rester avec son père jusqu'à ce que elle soit dans l'âge de se marier et qu'elle aille vivre avec son mari. Parce que le père va plus être capable de la préserver et il a plus le droit d'être son tuteur que quiconque autre. Et donc, on ne va pas empêcher, bien entendu, la mère de la visiter lorsqu'il n'y a pas d'empêchement, de danger pour ça. Et il dit que, ou bien plutôt que elle visite sa mère, on ne va pas l'empêcher de visiter sa mère tant qu'il n'y a pas de danger là-dedans. Et il dit, et si le père est incapable de préserver sa fille ou qu'il n'a pas d'attention, hein, il ne donne pas d'attention à son éducation parce qu'il est occupé ou parce qu'il a peu de religion, dans ce cas-là, si la mère est capable de la préserver et de la garder, alors la mère a plus, hein, dans ce cas-là, elle est plus apte à s'en occuper dans ce cas-là, et donc elle va rester chez sa mère à ce moment-là. Et le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك ضرر فلو قدر أنه عاجز عن حفظها وصيانتها ويهملها لاشتغاله عنها والأم قائمة بحفظها وصيانتها فإنها تقدم في هذه الحال مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب. Donc il dit, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, que l'imam Ahmad et ses compagnons, ils ont seulement donné la précédence au père lorsque le père ne va pas faire de tort à la fille dans son éducation. Mais si on suppose par exemple un cas où le père lui-même serait incapable de la préserver correctement et de s'occuper de sa fille comme il faut, et qu'il va la négliger parce qu'il va être occupé par d'autres choses qui va faire en sorte qu'il ne sera pas capable de s'en occuper correctement, alors dans ce cas-là, si la mère, elle est capable de s'en occuper de sa fille et de bien veiller à elle, alors dans ce cas-là, c'est à elle qu'on va donner la précédence de s'occuper de sa fille dans ce cas-là. Toutefois, s'il y a un tort, une corruption quelconque, hein, dans ses affaires avec un des deux parents, alors c'est l'autre, dans ce cas-là, parmi les parents, qui sera plus apte à avoir la garde de cet enfant-là, sans aucun doute. Ensuite, il dit, « وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ إِذَا قُدِّرَ أَنَّ الْأَبْ تَزَوَّجَ بِضَرَّةِ وَهُوَ يَتْرُكُهَا عِنْدَ ضَرَّةِ أُمِّهَا لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها او لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها وامها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها فالحضانه هنا للام قطعا. انتهى كلامه رحمه الله. Donc il dit ici le Cheikh Ibn Taymiyyah que si par exemple on suppose que le père s'est remarié avec une deuxième femme, hein, et qu'il va laisser sa fille chez sa deuxième femme au lieu de chez sa mère, Alors, si elle n'agit pas selon les intérêts de la fille, si la deuxième femme de son père va pas agir selon les intérêts de la fille, et elle va lui faire du tort et elle va manquer dans son intérêt, alors que sa mère, elle, agit dans l'intérêt de la fille et ne lui fait pas de tort, alors c'est clair que dans ce cas-là, la garde va venir à la mère de façon certaine. Hein? Et ça, c'est la fin de la citation de la parole de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et c'est ce qui conclut le chapitre au sujet de Al-Hadana. Maintenant, il y a le chapitre suivant qui a rapport avec Al-Nafaqa, Al-Nafaqatu Zawjiyya, c'est-à-dire l'allocation pour yani, l'épouse, et qu'est-ce que le mari doit dépenser pour elle. Donc, yani, soit qu'on continue ou bien que soit qu'on s'arrête ici et qu'on explique ça au prochain cours. Je pense que le mieux, c'est de s'arrêter ici pour séparer entre les deux sujets. Comme ça va être plus clair et plus intéressant par la suite pour ceux qui veulent connaître les détails de ce sujet-là. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Bi'idhnillah, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aussi, bon, je veux juste mentionner un point avant de terminer complètement, c'est que les sujets dont on a parlé maintenant par rapport à la garde, c'est certain que ça, c'est des questions que les ulama ont mentionnées dans les livres de fiqh. Sauf que dans les cas concrets, lorsque quelqu'un est dans la situation et qu'il va aller dans un tribunal musulman, eh bien, c'est clair que dans les différentes situations et dans les différents cas, c'est le juge qui va trancher dans ces questions-là. Donc ça, c'est juste pour dire que parfois, vous allez lire des cas, les ulama, ils mentionnent certaines situations, mais c'est clair qu'ils ne peuvent pas couvrir dans les livres de fiqh toutes les situations possibles et tous les cas qui peuvent exister, parce qu'il y a d'innombrables cas et d'innombrables situations qui peuvent arriver qui sont beaucoup plus complexes parfois que les situations qui sont mentionnées dans les livres de fiqh. C'est pour cette raison-là que dans des cas comme ça, les ulama et les qudhat, les juges, dans les tribunaux, eux, vont trancher selon leurs connaissances et selon la compréhension qu'ils ont dans les différentes situations qui se présentent. Et c'est clair aussi que dans les pays non musulmans, les situations parfois sont beaucoup plus compliquées que les situations dans les pays musulmans, à cause justement de l'éloignement des gens du Coran et de la Sunna dans les pays de Kufr, qui est plus grande que les problèmes des pays musulmans. Donc, il y a des cas d'exception et des cas rares, hein, comme on dit. Donc, ce n'est pas des règles générales. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, donc, et on reprendra au prochain cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.